Alors, bienvenue à l'émission Amandla, votre émission d'information hebdomadaire sur l'Afrique. On va commencer aujourd'hui dans la section française de l'émission avec un regard sur l'industrie minière canadienne au Niger. En particulier, nous allons parler des activités de la société Semafo au Niger. Semafo est une compagnie d'exploitation aurifère qui est basée à Montréal. Comme vous le savez, ici à l'émission, on suit depuis un certain temps les activités des compagnies minières canadiennes, tout particulièrement en Afrique. Et donc, ça fait partie de cette suite qu'on donne à l'industrie minière. Alors, sur le site web de la compagnie Semafo, on peut lire que, selon la compagnie exploite 3 mines d'or au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. On peut y retrouver aussi des informations nous indiquant que la compagnie s'est engagée à, entre guillemets, et je cite, « agir consciencieusement afin de devenir un acteur de premier plan dans la région où elle exerce ses activités ». Et aussi que la priorité stratégique de Semafo consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires. J'ajoute à cela que Semafo possède sa propre fondation humanitaire, la fondation du même nom, la fondation Semafo, qui œuvre sur le terrain et son travail consiste essentiellement à envoyer des containers de matériel amassé au Canada et apparemment aussi à construire des pompes, des puits pour donner accès à de l'eau potable et construire des écoles. La fondation Semafo a comme partenaire, entre autres, aussi la fondation Paul Gérin-Lajoie. Juste pour souligner un des problèmes de l'exploitation de l'or, pour revenir un peu plus sur le terrain, c'est le plus souvent le cyanure de sodium qui est utilisé dans le processus pour séparer l'or. Et la compagnie reconnaît qu'elle utilise et reconnaît même dans un document disponible sur son site web qu'il y a des risques que le cyanure se retrouve dans la nature et contamine l'environnement. La Semafo est une compagnie assez connue au Niger. C'est la principale compagnie qui exploite l'or dans ce pays. Parmi les grandes compagnies minières, on connaît aussi la compagnie française Areva qui exploite l'uranium. J'ai réalisé une entrevue un peu plus tôt avec Ali Idrissa, qui est membre de la campagne « Publiez ce que vous payez ». C'est une campagne qui suit ce qui demande aux compagnies minières de dévoiler ce qu'elles payent réellement en taxes et en redevances sur l'exploitation des métaux qu'elles exploitent dans les différents pays. Il va nous parler de la situation, il va nous dresser un portrait de ce qu'il voit à la mine de Semafo. C'est la mine de Samira Hill qui est proche de la frontière du Burkina Faso. Alors vous allez l'entendre, il note plusieurs problèmes, notamment pour évaluer les revenus qui devraient être payés au gouvernement et des problèmes de santé liés aux populations autour de la mine. Et il dit notamment que l'or ne rapporte pas grand-chose à la population locale. Alors voici Ali Idrissa de la campagne « Publiez ce que vous payez ». Une conversation enregistrée un peu plus tôt, j'ai contacté Ali Idrissa au Niger. Bon, aujourd'hui, prenons d'abord sur le plan même du respect des normes. Aujourd'hui, on constate que ces sociétés se comportent au Niger comme si c'est un terrain conquis, comme s'il ne s'agit même pas d'êtres humains qui vivent sur ce territoire. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas se comporter de la même manière qu'au Canada et qu'ils se comportent au Niger. Vous prenez l'exemple par rapport à l'exploitation de l'or dans les régions aurifères. Cette société exploite l'or, pollue la nature, sans pour autant en inquiéter, sans pour autant se dire que il y a quand même des limites qu'on doit pouvoir observer dans un pays comme le Niger, où déjà le problème des désertifications, le problème de rareté des eaux est un problème dans notre pays. Et donc, ils exploitent le minerai, l'or, avec du cyanure. Ils utilisent des bassins qui ne sont pas conformes aux normes, qui ne sont les bassins, c'est-à-dire généralement, on utilise des techniques, on utilise du matériel pour pouvoir faire les retenues d'eau. en vue, c'est-à-dire des eaux évacuées des mines. Mais la société, c'est ma faute, aujourd'hui, utilise un bassin naturel. Ce qui fait en sorte que cette eau, ou bien ces eaux usées, ou bien ces eaux cyanurées, se retrouvent dans la nappe phréatique que consomment les populations locales. Et il y a aussi, en période de saison pluvieuse, il y a des débordements de la nappe. Donc, les eaux de ruissellement amènent les eaux polluées ou bien le cyanuré dans les retenues d'eau qu'utilisent les populations locales et les animaux pour leur survie. Et donc, j'imagine qu'il y a des répercussions importantes pour toutes les populations qui habitent aux alentours. Et extrêmement grave. De conséquences. Ça, ce n'est qu'un échantillonnage. Aujourd'hui, les routes qu'empruntent la Sémafo pour pouvoir évacuer le minerai, pour pouvoir faire déplacer le matériel sur le site, les routes, si on ne parle même pas de routes, ce sont des pistes qui passent dans les villages que la société utilise. Ce qui fait en sorte que toute la poussière dégagée, tous les minerais, le soufre et autres qui transportent dans la nature, se retrouvent dans les foyers. On a même assisté à un moment où une école avait carrément eu une contagion de tuberculose. Quand on a fait le constat, c'était la Sémafo qui empoisonnait ses élèves, ses jeunes élèves. Mais j'imagine qu'il y a des répercussions pour la santé des habitants partout autour de la mine de Sémafo, alors? Oui, extrêmement grave. Et les populations ne tirent rien comme profit. Il n'y a aucune. Il n'y a pas d'effet lié à l'exploitation de l'or qui agit dans le développement local, dans le développement de ces populations. La mine n'a même pas pour autant créé un centre de santé pour pouvoir accueillir les malades, qu'eux-mêmes contribuent à rendre malades. Pour pouvoir les soigner. Vous voyez de tels constats. On constate qu'il n'y a même pas d'école. Les élèves continuent à étudier sous des arbres autour de la mine. D'accord. Et j'imagine que la Sémafo est assez connue au Niger. Peut-être vous pouvez m'en parler un peu dans le pays. Est-ce que les gens savent ce qu'est la Sémafo? Parce qu'ici au Canada, c'est une compagnie presque inconnue. Oui, ici au Niger, la Sémafo, c'est la seule société qui exploite l'or du Niger. C'est la seule société qui a un permis d'exploitation, qui depuis 2004 exploite l'or au Niger. Et donc, elle est très connue. Et il y a même eu, en 2000, les années passées, une enquête parlementaire qui a relevé tout ce que je suis en train de vous dire. Et jusqu'à présent, la Sémafo n'a pas daigné, par mépris au peuple nigérien, aux autorités nigériennes, daigné vouloir changer les choses. Et vous dites aussi, vous m'avez dit, bon, il n'y a pas, la Sémafo n'a même pas construit d'école, mais en fait, quels sont les bénéfices pour la population locale? Est-ce qu'il y a des bénéfices de la part de cette compagnie minière? Les bénéfices, il n'y a pas de bénéfices pour les populations locales dues à l'exploitation de l'or par Sémafo dans notre pays. Même la restauration n'est pas faite par des Nigériens autour dans cette mine. C'est une société marocaine qui s'occupe de la sous-traitance, qui est aussi une filiale, selon des informations qu'on a reçues de Sémafo, qui fait la sous-traitance pour la restauration sur la mine. Et les ouvriers et autres aussi, je vous dis, sont tous tant qu'ils sont malades, parce qu'il n'y a pas de matériel adéquat pour pouvoir passer sur ces sites. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas, les dispositions ne sont pas prises pour que ces gens-là passent dans les mines sans pour autant se faire rendre malades, sans pour autant se faire contaminer ou bien... Donc, il y a ce que les Anglais appellent le local content, il n'y en a pas autour de cette mine créée par Sémafo, pour permettre à ces populations locales de pouvoir en bénéficier. On voit dans les zones d'exploitation uranifère avec l'uranium où Areva investit dans la région d'exploitation, à savoir Avit. Mais Sémafo continue à exploiter au mépris de ces populations-là. Vous travaillez pour la campagne « Publier ce que vous payez ». Oui. Pouvez-vous me parler, est-ce que il y a eu est-ce que Semafo est une compagnie transparente à ce niveau-là? Oh, Semafo, je vous dis, là, ça reste à désirer. La Semafo déclare ses comptes, les opérations avec le Niger. Mais aujourd'hui, même le Niger a des problèmes pour pouvoir comprendre le coût d'exploitation de ces minéraux. Le Niger a des problèmes pour maîtriser les quantités qui sortent des mines de Samira que Semafo vend sur le marché international. Mmh. Donc, tout ça reste un flou artistique. Je vous prends un exemple. Nous, on a l'habitude d'aller en tant que étudiant Niger sur le site de Semafo pour pouvoir visiter et pour comprendre le mécanisme d'exploitation de l'or. Il y a la salle de finition des lingots qui a été empêchée à la délégation, qui comportait des autorités, la société civile et les industries, les compagnies minières. Vous voyez, si Semafo joue le jeu de la transparence, je ne vois pas pourquoi Semafo va pour autant vouloir même empêcher l'accès d'une salle à une telle délégation, oui, qui comporte aussi des officiels. Mmh. Mais sait-on ce que la Semafo, par exemple, paye en redevance au gouvernement du Niger? Bon, pour autant, ça, c'est pas un problème. C'est ça, comme si même Semafo ne déclare pas, les autorités nigériennes déclareront. De toutes les manières, même le Niger n'a rien tiré de l'exploitation de l'or. C'est le seul pays qui exploite l'or à perte. On nous a toujours dit que l'or ne rapporte rien. Jusqu'à présent, si vous prenez les chiffres de ce que le Niger a pu retirer des compagnies minières ou bien de cette compagnie, je vous dis, ça ne fait pas. Dans les 3 milliards de francs CFA pour Niger, qui ne représente moins de 5 millions d'euros. Mmh. Donc, je vous voyais bien. Oui. Même le Niger cherche ses marques dans l'exploitation de ce minerai. Mmh. Parce que la compagnie Semafo a quand même déclaré des bénéfices assez intéressants pour ses actionnaires au Canada. Et pourtant, au Niger, la situation, on sait, elle n'est pas très bonne. Il y a des situations de quasi-famine, là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'avantages pour cette mine-là au Niger. Oui, Semafo fait des bénéfices. C'est sûr que le paradoxe que nous constatons, Semafo fait des bénéfices pour les actionnaires qui ne sont pas au Niger. Mais pour le Niger, on nous a toujours dit que cette société n'est pas rentable, cette société ne rapporte rien. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est là où les gens jouent sur les coûts de production des minéraux. C'est ce qui empêche pour nous, Nigériens, de pouvoir voir clair, de pouvoir bénéficier des retombées de l'exploitation de nos ressources. Les compagnies s'arrêtent toujours à pour autant faire en sorte que les bénéfices soient constatés au niveau de la société mère, c'est-à-dire là où les actionnaires se partagent l'argent, mais jamais dans le pays où ils exploitent ces minéraux. Oui, d'accord. Et ils ne contribuent qu'à nous rendre malades ici. D'accord. Ali Idrissa, j'aimerais que vous me parliez aussi de... Bon, je ne sais pas si vous connaissez, Semafo possède aussi une branche humanitaire. Il y a une compagnie qui fait de l'aide au Niger et qui travaille avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Mmh. Oui, c'est la société, la Fondation Semafo Niger. Oui. Il s'appelle, c'est ça la dénomination ici. Qui, jusqu'ici... contribuer à donner des cahiers et de la friperie aux populations nigériennes. Est-ce que ce sont ces populations qui ont exprimé des besoins? Les populations, leurs besoins, c'est quoi? C'est d'avoir accès à de l'eau potable. C'est d'avoir accès à une éducation pour leurs enfants. C'est de pouvoir soigner leurs enfants et se soigner elles-mêmes. Donc, ce n'est pas à Semafo de déterminer les besoins ou bien les aides que Semafo est censé apporter à cette population. C'est là où le bas blesse. Qui dit que nous, ici au Niger, on n'a pas les populations locales n'ont pas besoin de costumes, n'ont pas besoin de sous-vêtements pour faire du jogging. Ils ont plutôt besoin d'essentiel, c'est-à-dire même la nourriture. On prend peut-être dans des fois, on voit la société ou bien la fondation Semafo prendre quelques tonnes de mil ou bien de riz à partager dans quelques villages. Ce sont des actions qui n'ont pas la portée, qui ne peuvent pas avoir la portée, d'autant plus qu'on ne le fait pas en concertation avec les populations. Et aussi, par rapport au manque à gagner, par rapport à ce que le tort qu'on est en train de faire pour ces populations, nous pensons que c'est vraiment ridicule ce que SEMAFO donne à travers cette fondation. Et avez-vous idée aussi de la fondation Paul Gérin-Lajoie? Avez-vous vu leur travail sur le terrain en lien avec la compagnie minière? Oui, on a vu tout ça. Quand ils viennent ici, ils font un grand frais de publicité ou bien de campagne médiatique. Ils font toutes les actions face en longueur de journée sur les chaînes locales et aussi dans les médias nationaux. Ça, c'est ce que nous appelons des coûts médiatiques. Mais l'apport dans l'économie locale, ça n'a aucune population. Ça ne change pas le quotidien de ces Nigériens qui continuent à être malades par la faute de SEMAFO. Alors, vous avez entendu Ali Idrissa qui parlait de, entre autres, surtout la fondation SEMAFO et la compagnie minière du même nom qui est basée ici à Montréal. Je vais faire une note en terminant pour dire que la compagnie, en fait, il y a un code international de gestion du cyanure et il y a des compagnies qui sont signataires et la compagnie SEMAFO ne se retrouve pas dans cette liste de compagnies signataires, donc elle n'adhère pas aux normes qu'on peut présumer, des normes minimales de gestion du cyanure. Donc, c'est une compagnie qui est sans doute à enquêter si on a les moyens de se rendre au Niger pour enquêter ce qu'elle fait vraiment. Mais vous avez entendu Ali Idrissa de la campagne « Publier ce que vous payez ». Et on vous invite à suivre notre dossier sur les compagnies minières canadiennes en Afrique. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur notre blog qui est adax.wordpress.com. Alors adax, c'est adax.wordpress.com. Vous écoutez toujours l'émission Amandla sur les ondes de CKUT 90.3. On va maintenant écouter Femi Kuti et on va l'avoir en entrevue tout de suite après cette musique.